Bwana Mungu amibariki. Je salue d'une manière particulière chacun de vous en Jésus Christ. Nasalimia kwa upekee kila mmoja wenu mjina Bwana Yesu Kristo. Ça fait toujours la joie d'être ensemble. Ikunaleta paka furaha kuwa pamoja. Après un long temps de séparation. Kisha masiku mingi ile tuliachana. Immense jusqu'à mardi, c'est une éternité. Mujuma kufika na musiku ya kazi mbili iko ni umilele. Dans un seul jour, beaucoup d'événements peuvent intervenir. Jumu siku moja munaweza kuwa mambo mengi inaweza kufika. Dieu nous a gardé. Mungu alituchunga. Et il nous a encore conduit en ces lieux. Na anatuongoza tena pa hifadhi. Pour amagaziner sa nourriture. Juu ya kuchugua chakula yake. Afin de nous préparer pour l'enlèvement. Ili tupate kujitayarisha juu ya kunyanyuliwa. Nous vivons des temps difficiles. Tunaishi mwakati ya nguvu. Ce sont les temps où beaucoup de prophéties s'accomplissent. Manyakati mule ma matabiri ya mingi kunatimilika. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, sisi saba batoto ya Mungu banamke na banaume, nous devons être attentifs. Tunapashi kuteka sikio. Et suivre ce que Dieu a à nous dire. Na kufuata kile Mungu yuko na kujua kutuambia. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. C'est toi seul qui es le Seigneur. Wepe kinjo Bwana. Le ciel et la terre enferment ta gloire. Bingu na dunia inayala na utukufu yako. Tu es le seul Dieu plein d'amour et de miséricorde. Huku Mungu peke yake mwenye kuyala na buluma na mapendo. Le seul vivant qui fait du bien à ses enfants. Wewe pekee ndio unafanya furaha kwa watoto yako. Si tu nous a conserver la vie. Kama ulituchungia bujima. Ce n'est pas pour les, nos affaires. Aina juu ya makazi yetu. Mais tu nous aimes tellement. Lakini unatupenda sana. Et tu ne veux qu'aucun de nous ne périsse. Na upende hata mmoja wetu apotee. Et tu nous donnes un temps pour nous préparer. Ndio kwa maana unatupatia wakati juu tujitayarishe. Aide-nous Seigneur. Utusaidie Bwana. Mets de l'urgence dans nos cœurs. Uweke uharaka ndani ya moyo wetu. Ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions comprendre les écritures. Utufungule roho juu tupate kuelewa maandiko. Donne-nous les yeux spirituels pour discerner les signes des temps. Utupatie macho ya kiroho juu tutambue maalama ya nyakati. Parole est apportée. Wakati neno lako itahubiriwa. Toi seul tu es capable de l'interpréter dans nos cœurs. Wewe pekee ndio kuna uwezo wa kuifasilia moyo wetu. Fais-le pour la gloire de ton nom. Oui, fanye Dieu atukufu jina lako. Et pour notre salut. Na Dieu a wokovu wetu. Bénis ce peuple réuni. Ubariki taifa nyo kusanyika. Nous sommes encore dans un corps de chair. Tungariki mumwili ya nofu. Nous avons beaucoup de problèmes. Tukuna mambo mengi. Dont nous avons besoin de ton assistance. Il est tunahitaji msaada wako. Aide chaque frère, chaque sœur. Usaidie kila ndugu na kila dada. À solutionner ces problèmes. Apate jibu kwa mambo yake. Que ça soit des problèmes spirituels. Jibu mambo ya kiroho. Que ça soit des problèmes physiques. Mambo ya kimwili. Que ça soit des problèmes financiers. Mambo ya kifedha. Que ça soit des problèmes sociaux. Wala mambo ya namna kuikala. Toi tu es notre père. Wewe ndio baba yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous voulons profiter de ce temps libre. C'est temps de paix. Tunapenda kufaidia mwili wakati ya salama ya uhuru. Pour être instruit de ta part. Juu tupate kufundishiwa na wewe. Descends Seigneur. Ushuke Bwana. Enseigne-nous tes voies. Utufundishe manjia yako. Parce qu'il est écrit. Kwani imeandikwa. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ya kwamba wote watafundishiwa na Mungu. Ni la parole qui sera lue. Bariki na neno itasomewa. Aide-moi Seigneur. Unisaidie mimi Bwana. Mets ta parole sur ma langue. Weke neno lako juu ya ulimi yangu. Que tu puisses bien-aimé me donner des termes simples. Unipatie misemo ya mwepesi. Je peux utiliser pour la compréhension de ta parole. Ile naweze kutumia juu ya kuelewa neno lako. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus. Utunyanyue pale pa mbingu ndani ya Yesu. Que ta bénédiction. Baraka yako. Demeure d'une manière permanente sur nous. Ipate kuwa nasi wakati yote. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 3. Daniel, sura ke tatu. Dans son verset 15 à 18. Mustari ya 15 kufika na 18. Maintenant tenez-vous prêts. Sasa mkuwe tayari. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, wakati ile mutasikia mulilio ya parapanda, du chalumeau, ya chalumeau, de la guitare, ya nzenze, de la sambuc, ya sambuc, du palterion, ya psalterion, et de la cornemus, na ya cornebis, et de toutes sortes d'instruments, na ya aina yote ya biombo. Vous vous prosternerez, mutainama, et vous adorerez la statue que j'ai faite. Na mutabudu I sanamu ile mimi narifanya. Et si vous ne l'adorez pas, kama muyabudu, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mutatupwa pale pale mutanuru ya moto kabisa. Et quel Dieu qui vous délivrera de ma main? Na tutaona kama ni Mungu kani ula tamikomboa toka mkono wangu. Shadrach, Shadraki, Meshach, Meshaki, et Abednego, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, wakamujibu mfalme Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Chi atuitaji kukujibu bai mambo yako. Voici notre Dieu, tazama Mungu wetu, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ule tukunatumikia atatuokoa toka tanuri ya moto. Et il nous délivrera de ta main au roi. Na atatukomboa toka mkono wako wewe mfalme. Sinon sache au roi. Alakini ujue wewe mfalme. Que nous ne servirons pas tes dieux. Ya kwamba hatutumikia miungu zako. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Na tuweze kamwe kuabudu sanamu ya dhahabu ile wewe ulifanya ulinyanyula. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Vendredi et dimanche, nous avons insisté sur une seule pensée. Mujuma turuweka mkazo yule ya wazo moja tu. Pour montrer à l'église, jua konesha kukanisa, que la statue qui a été érigée à Babylone, ya kwamba ile sanamu barifanya kule kubabeli, et dont le roi Nebuchadnezzar avait invité tout le peuple de son royaume à venir adorer. Na ile mfalme Nebuchadnezzar alita watu bote ba mfalme yake akomba bakuye bayabudu, était une scène qui était commanditée ou organisée par Satan. Ilikuwa ni maandamano wala mambo ile ilikuwa naongozwa na shetani. Afin de remplir toute la terre de l'idolâtrie, ili apate kuyaja pa dunia pote na kuabudu kwa sanamu, c'est-à-dire que tout le monde adore Satan, manake juu ya bantu bote ba mwabudu shetani, tout en écartant les véritables croyants, na mukutosha ba minifu ba byakweli, qui adore et qui adorait le véritable Dieu dans son royaume, benye kuabudu na bale balikuwa na mwabudu Mungu wa kweli, de la scène abatoshe mukibeta de l'adoration. Abatoshe mukuabudu kwa byakweli. Et ce comportement, c'est un type. Ile namna ya kutenda iku ni picha ni mfano. Qui annonce ce qui va se passer dans cet état de la Odyssée. Ile kunatangaza ile tafanika mwikizazi ya Laodikia. Avec le Conseil mondial des églises, pamoja na muungano ya ulimwengu mzima ya makanisa. Qui à son temps, lorsque le temps de Dieu sera là, ile wakati yayo wakati Mungu atachele wakati, après ou avant même que les poux ne sont enlevés, na ile ni mbele ya bibi harusi anyanyuliwe, alors ils vont faire une pression sur le véritable chrétien, manake batanza kusonga baminifu ba vya kweli, afin que chacun individu adhère dans ce Conseil mondial des églises. Ili kila mtu binafsi apate kujunga mwile ushauri ya makanisa ulimwenguni mzima. Parce qu'il faut que chacun reçoive une marque de la bête. Junapasha kila mtu apokee picha ya nyama. Pour adorer cette image qui a été forgée pour l'humanité. Juapate kuabudu ile picha ile balitunga juu ya ulimwengu mzima. N'oubliez pas, je voulais aussi vous le rappelez ce soir, le livre de Daniel est considéré par beaucoup de prédicateurs comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Kitabu ya Danieli banayona kwa baubiri ba mingi sawa kitabu ya ufunuo mwagano ji ya. Il est assisté par Les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie, les livres d'Ézéchiel, et même les livres de Zacharie. Parce que dans les livres de Daniel, tout le plan de l'humanité, dans tous les domaines, est exposé en image. C'est pourquoi, avant qu'on parle de la réalité, nous commençons d'abord par montrer l'image de ce que Dieu avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi nous attardons sur ce livre de Daniel. C'est alors vous devez tirer très attention. Maintenant, en ce qui concerne la lecture que nous avons faite ce soir, j'aime que vous remarquiez quelque chose avec moi. Que au moment où on demande à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer la statue d'or érigée par Nebuchadnezzar, Daniel n'était pas avec eux. Daniel asikuwe pamoja nabo. Je ne sais pas si vous avez tiré attention depuis que nous avons commencé à parler de la statue d'or. Tangia turianza kusemea yulu ya sanamu ya zahabu. Quand Nebuchadnezzar érige la statue d'or et qu'il oblige tout son royaume à adorer la statue, avec menace sur ceux qui refuseraient de l'adorer, Daniel n'était pas avec ses trois compagnons. Il n'y a que ces trois compagnons qui ont assisté à la scène et qui reçurent les menaces du roi Nebuchadnezzar. L'église est avec moi. Et pourquoi Daniel n'était pas avec eux? Daniel est le type de l'époux de Jésus-Christ, pris dans l'enlèvement avant la tribulation, pourquoi Daniel n'est pas cité dans ce chapitre? Pourquoi Daniel n'est pas menacé dans ce chapitre? Pourquoi Daniel n'est pas envoyé dans la fournaise ardente? Daniel n'était pas avec ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, parce que Daniel est un type de l'épouse de Jésus-Christ qui est pris dans l'enlèvement avant la tribulation. L'église est avec moi. C'est d'abord la première raison que vous devez comprendre. Pendant ces dures épreuves que traversent ces trois compagnons pour leur foi, ils passaient l'épreuve de leur foi. Leur foi était éprouvée. Pendant que les trois compagnons de Daniel passaient cette dure épreuve de leur foi, Daniel, lui, n'était pas là. Daniel, vous voyez, ce sont ces trois amis qui passaient par les menaces et qui passaient dans la persécution du roi Nebuchadnezzar, qui représente ici le diable. C'est Satan, ni Shetani, dans Nebuchadnezzar, qui menaçait les trois amis de Daniel. Et c'est par ces menaces ni et par la fourneuse ardente kupitia tanuri ya moto, que Shadrach, Jomule Shadrach, Meshach et Abednego passent leur tribulation. Jomule banapitia, banapitishia mateso ya ici kubwa. Dans Daniel au chapitre 3, umumu Daniel sura 3, ces trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, font aussi allusion. Ils les représentent, ce sont aussi des types, ils font allusion. Ah, ni picha, aux vierges folles. Ni picha ya babikira bumbafu. Qui sont de véritables croyants. Du Dieu vivant, mais alakini, qui passeront dans la tribulation que le diable amènera jusqu'à les conduire à la mort. Quand on prend Daniel, on prend Meshach, Shadrach et Abednego, on les jette dans la fourneuse ardente. La fourneuse ardente ici est un type de la mort, vous voyez, dans laquelle les vierges folles seront précipitées après que l'époux de Jésus-Christ soit enlevé. L'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? J'ai dit encore ceci. Daniel est le type de l'époux de Jésus-Christ. Daniel yeye ni picha ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Qui doit être pris avant l'enlèvement de l'époux. Qui doit être pris ula dans l'enlèvement. Kubebwa mukunyanyuliwa. Avant la tribulation. Bele ya mateso makubwa ifike. Et nous le verrons plus tard. Na tutaiona baadaye. Que l'époux de Jésus-Christ. Ya kwamba bibi harusi wa Yesu Kristo. Ne passera jamais dans la tribulation. Hata pitaka kamwe mu mateso makubwa. Il y a deux jours, j'ai posé la question à mes enfants pour voir s'ils comprennent ce que nous sommes en train d'apporter, afin qu'ils différencient l'Église, l'épouse et l'Assemblée locale. Vous voyez, nous avons déjà expliqué cela, même dans le message qui est grand parmi nous. Nous l'avons déjà expliqué dans la sacrificature. Vous voyez, l'Église est entièrement différente de l'épouse. L'épouse est entièrement différente des vierges folles. Les vierges folles et les vierges sages sont deux groupes entièrement différents. Et nous en parlerons plus tard avec beaucoup de détails. Maintenant, ici, dans ce type, dans les types, dans Daniel au chapitre 3, ce chapitre que nous sommes en train d'étudier, nous voyons que Daniel n'était pas là lorsqu'on faisait pression à ses amis pour adorer la statue. Pourquoi il n'est pas là? Parce que Daniel représente l'épouse de Jésus-Christ qui est pris dans l'enlèvement avant la tribulation. Ok, l'Église? L'Église est là? Vous voyez, ici, c'est ces trois amis qui sont en train d'être éprouvés. Leur foi est en train d'être éprouvée. Comme au temps de la tribulation, les vierges folles seront éprouvées. Leur foi aussi sera éprouvée. ces trois compagnons de Daniel qui passent par la tribulation du roi Nebuchadnezzar, le Nebuchadnezzar lui représente Satan. Il était habité par Satan pour faire ce qu'il fait ici dans Daniel au chapitre 3. Et ici dans les livres de Daniel chapitre 3, Shadrach, Meshach, et Abednego, Abednego sont les types de la Vierge folle. Parce que la Vierge folle aussi, après que l'épouse soit élevée, doit passer par la tribulation, doit passer par la persécution, et enfin elle finira par être tuée. Les Vierges folles ne sont pas des païens. Non. Les vierges folles ne sont pas des incroyants. Non. Les vierges folles aussi font partie des véritables croyants, des véritables Dieu vivant. Ils défendent le véritable Dieu vivant. Ils croient au véritable Dieu vivant. Seulement, ils sont en retard par rapport au plan du salut de l'âge. C'est un groupe de croyants qui n'a pas atteint la maturité. Vous voyez, ils n'ont pas expérimenté la rédemption dans sa totalité. Je me souviens, il y a une question qui m'a été posée ici, qui m'a déjà été posée ici, sur les vierges folles, et je vous avais montré que les vierges folles passent par la voie de la tribulation pour épurer leur foi, parce qu'ils n'ont pas expérimenté la rédemption dans sa totalité. Ils ne sont pas entièrement couverts sous le sang de l'agneau. Vous voyez, et pourtant ils sont vrais. Ils sont vrais croyants. C'est pourquoi ils sont appelés vierges. Mais ils ne sont pas sages parce qu'ils manquent le Saint-Esprit. Ils sont folles parce qu'ils manquent le Saint-Esprit. Mais ce sont de véritables croyants qui défendent leur foi dans le véritable Dieu vivant, et ils ne peuvent jamais fléchir devant une idole ou croire à n'importe quoi. Non, bien mes frères, ceux qui vont passer la persécution, la tribulation de la bête jusqu'à la mort, ils seront les martyrs, ils seront jetés dans la fourneuse ardente comme les trois compagnons de Daniel. Vous voyez bien mes soeurs, c'est pourquoi vous voyez dans le verset 22 de Daniel chapitre 3 jusqu'au verset 23, car l'ordre du roi était sévère et que la fourneuse était extrêmement échauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fourneuse ardente. Vous voyez, donc la fourneuse ardente qui typifie la mort des vierges folles. Vous voyez ces hommes qui tenaient Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fourneuse ardente, qui furent tués et même par les flammes de la fourneuse. C'est aussi un type tous ces dénominationnels qui vont persécuter les vierges folles après le départ de l'épouse finiront par être tués dans la grande tribulation. Voyez bien le frère. Voyez bien le sœur. Ils vont mourir parce qu'il y a des fléaux que Dieu va déverser sur la terre pour punir les habitants de la terre. Vous voyez, il voulait tuer les hommes de Dieu parce qu'ils n'avaient pas adoré la statue de Nebuchadnezzar. Mais ceux qui en ont subi les frais, comme ces dénominationnels qui persécuteront les vierges folles, mais ils vont aussi succomber à la colère de Dieu. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Dans Daniel au chapitre 19, jusqu'au chapitre 23, là où nous avons lu, après qu'il soit jeté dans cette fournaise, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne dans le Nouveau Testament, pour ce qui concerne les vierges folles dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire après avoir persécuté les vierges folles et après leur mort, après qu'ils soient tués par la bête qui représente Rome, qui représente Rome, voyez, Dieu dans sa miséricorde interviendra d'une manière surnaturelle. Il va intervenir d'une manière miraculeuse. Comme le quatrième homme et dans la fournaise ardente, et Dieu donnera aux vierges folles des robes blanches pour entrer dans son royaume de 1000 ans. Regardez ce qui a eu ici dans Daniel au chapitre 3, Daniel sur dans son verset 24, après que ces trois compagnons, les trois compagnons de Daniel soient jetés dans la fournaise, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Après qu'on ait jeté les trois compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, le roi Nebuchadnezzar se précipita d'aller voir dans la fournaise pour voir comment ces hommes étaient consumés. Mais à sa grande surprise, il vit les trois compagnons de Daniel vivants et il vit un quatrième homme avec eux. Et cela l'effraya. Et la Bible dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Dieu ne peut pas abandonner les siens. Dieu ne peut pas abandonner quiconque défend sa foi en lui. Non, bien mes frères. Non, bien mes sœurs. Dieu est toujours prêt. Il est toujours à côté des gens qui défendent sa foi. Ici, frère Banam fait des commentaires, il dit ceci. Les jours où on devait jeter les trois compagnons de Daniel dans la fournaise, le ciel était agité. Bingu iritenka. Mais Dieu était calme sur son trône. Alakini Mungu alikuwa tu kimya pakiti yake ya enzi. Et Gabriel est venu. Gabriel alikuja. Pour poser la question au Seigneur. Dieu akumuuliza Bwana Mungu. Il dit Seigneur. Akamwambia Bwana. Est-ce que tu vois ce qui se passe sur la terre? Eti unaona bila viko unafanyika pa dunia? L'Éternel répond. Wa milele akajibu. Je vois tout. Dio ni unaona yote. Mais on va les tuer. Sasa watabaua. Ils combattent pour ta foi. Beko na kumbania, imani yako. C'est pour vous. Ni juu yako wewe beko na teswa. Et Gabriel rentre. Na Gabriel akaenda zake. Michael aussi vient. Michael naye akakuja. Il dit Seigneur. Akasema Bwana. Est-ce que tu vois ce qu'on fait? Shadrach, Meshach et Abednego. Et tu unaona vinyewe kuna tendea Shadrach, Meshach et Abednego. Tu vois ce qui se passe à Babylone? Unaona vinyewe kufanyika kule ku Babeli? Bientôt ils seront jetés dans la fournaise. Sasa hivi watatupwa moto. Autorise-moi seulement. Uniruhusu tu que j'aille. Mimi niende. Régler les comptes. Nikaba Avec le roi Nebuchadnezzar. Na ule mfalme Nebuchadnezzar. Et avec tout son royaume. Na ufalme yake yote. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, calme-toi. Nikala kimya, chunga kwanza Mikaeli. Mimi na hiyo asemwa unaweza kufanya ile unaomba. Problème du salut. Lakini mambo ya wokovu. C'est mon domaine personnel. Ni mambo yangu mimi Mungu pekee. Tout est te contrôle. Yote niko na biongoza. Observez la scène, moi-même j'observe. Wangarishishe tu mambo mimi mwenyewe niko naangalia. Il s'agit du salut. Wakati ni mambo ya wokovu. Des élus de Dieu. Ya bateule ya Mungu. Ce n'est pas un problème des anges. Ile aina mambo iko naangalia ba malaika hapana. Ce n'est pas un problème de serviteurs. Ile aina mambo iko naangalia. Ce n'est pas un problème de prédicateurs. Ile aina mambo ya wahubiri. C'est le domaine privé de Dieu lui-même. Ni mambo tu pekee ya Mungu pekee yake. C'est lui qui a promis le salut. Yeye ndio alilaka wokovu. C'est lui qui a promis la délivrance. Yeye ndio alilaka en tant que croyant, nous devons être sûrs que lorsque nous passons les épreuves de la foi, Dieu viendra à notre secours. Parce que la Bible dit, le secours viendra de l'Éternel. Nous devons être rassurés. Nous ne devons pas être craintifs. Parce que Dieu ne travaille pas avec les poltrons. Ces trois compagnons de Daniel parlent. Ils parlent avec assurance. Ils sont chez leur Dieu. Ils disent, oh roi, nous n'avons pas à te répondre. Je sais que toi tu as dit. Nous n'avons pas le droit de nous discuter avec toi. Tu sais que nous croyons. Mais vraiment tu dois savoir que nous sommes des croyants du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant ta statue. Malgré ta colère, malgré les décrets, même si vous nous jetez dans la fournaise ardente, notre Dieu est capable de nous dans le divers. Et l'assurance, c'est comme ça que nous devons marcher. Kama bintu bilakuya bya nguvu. Lorsque les choses se compliquent, c'est difficile. Ya kusema, Mungu eko. Croyez que Dieu existe. Na eko muweza yote. Et il peut tout. Là où tu ne vois plus de solution, croyez que Dieu est la solution. Là où tu penses que tout le monde t'a abandonné, un homme ne t'abandonnera pas, le Seigneur Jésus-Christ sera avec toi. Même dans la fournaise, il sera avec vous. Il voulait manifester sa puissance. C'est pourquoi il a dit, Gabriel, calme-toi. Ça c'est mon problème personnel. Mambo yangu mimi. Il a laissé que ses amis, quand on fait la volonté de Dieu, on devient les amis de Dieu. Jésus a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, tu fais la fierté de Dieu. Dieu est content de toi. Il se moque de Satan, il dit, regarde, j'ai mes combattants. Même si Satan peut pointer le poltron, les vaincus, il dit non, ce ne sont pas les miens. Moi j'ai mes défenseurs sur la terre, tu vois. Toi Satan, tu ne peux rien le faire. Ils sont prêts à affronter la fournaise ardente. Et quand les trois compagnons de Daniel, dans la fournaise, ils ne sont pas descendus dans la fournaise. Ils ont été reçus par l'effet divin. C'est l'effet divin qui maîtrisa le feu de la fournaise ardente. Quand vous êtes avec le Créateur, toute la création lui obéit. Comment le feu ne pouvait pas obéir au Créateur? Quand le quatrième est descendu, le feu a vu le quatrième. Le feu a vu le quatrième. Le feu a dit, c'est lui qui m'a créé. C'est vrai. Et quand ils sont descendus, calmement, sans s'agiter. Un chrétien ne s'agite pas. Nous agitons par manque de foi. Nous agitons parce que nous manquons Dieu. Regardez même quand on jetait Étienne. Voyez, quand on tuait Étienne, son visage brillait. Vous voyez, il était calme. Il n'avait pas de colère en lui. Il ne pouvait pas demander la vengeance. Non, il a demandé la miséricorde. Vous pouvez aussi demander la vengeance. Ils savent que Jéhovah est tout puissant. Ils sont descendus. Et ils ont rencontré le Fils de l'homme. Et ils se promenaient dans le feu. Ils parlaient avec le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme est descendu. Le Dieu Tout-Puissant est descendu dans la fournaise pour les complimenter. Il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, vous êtes des braves. Vous avez bravé même l'institution du roi. Vous m'avez glorifié. Vous voyez, il était content. Il était très content avec eux. Il parlait. Voyez, il les encourageait encore davantage. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. C'est un miracle. C'est par miracle. D'une manière miraculeuse. D'une manière surnaturelle. Que Meshach et Abednego furent sauvés de la fournaise ardente. Voyez bien mes frères, c'est ce qui va arriver aussi aux vierges folles après l'enlèvement de l'épouse. Lorsque maintenant la bête, Roma, Satan, Shetani va les persécuter. Il va les tuer. Mais Dieu va les ressusciter. Alakini Mungu atawafufua. Avant le millénium. Mbele ya utawala wa miaka 1000. Et ils vont régner avec nous dans le millénium. Na watatawala pamoja nasi utawala wa miaka 1000. Dans le palais. Sisi tutakuwa mchumba ya mfalme. Bon, watakuwa pa dunia. Voyez bien mes frères. Naona tukumpeni. C'est ce que la Bible dit ici en Apocalypse. Jokile Biblia nasema hapa mu Ufunuo. Dans Apocalypse au chapitre 7. Ufunuo sura ya 5. Nous y reviendrons encore. Ah, notre Dieu est Dieu. Mungu wetu anabakia Mungu. Faites confiance à Dieu, frère. Mumutumainie Mungu. Même si les choses ne semblent pas aller, hata kama vitu haviendeke, garde ton calme. Ukae tu kimya. Fais confiance à Dieu. Mumutumainie Mungu. Et la délivrance viendra de lui. Na ukombozi tatokea kwake. Oui, les vierges folles. Ndio babikira bumbafu. Qui sont les véritables croyants du Dieu vivant, mais qui rate l'enlèvement parce qu'il ne fut pas scellé du Saint-Esprit, il n'avait pas expérimenté la rédemption dans sa totalité. Néanmoins, comme elles sont véritables chrétiens, elles ne fléchiront jamais dans la persécution de la bête. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Nous allons aussi lire 13 à 17. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et dans le verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et dit, et me dit, mmoja wa wazee akachukua sauti na kusema, ceux qui sont revêtus de robes blanches, benye kuvaa makanzu mweupe, qui sont-ils? Ni banani? D'où sont-ils venus? Na banatokea wapi? J'ai dit, mon Seigneur, nikamwambia bwana wangu, tu le sais, wenjo unaijua, et il me dit, na akaniambia, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ni bale banatokea kumateso makubwa, ils ont lavé les robes, banesha osha et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mes frères, nos robes même ce soir sont blanchis par le sang de l'agneau. Oui, bien mes frères, mais elles vont le faire après le départ de l'épouse. Quand vous écoutez la parole qui condamne votre péché, qui reproche votre conscience, quand vous confessez cela au nom de Jésus, vous invitez le sang de l'agneau à venir nettoyer votre robe. Oui, bien mes frères, le sang de l'agneau nettoie notre robe. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Oui, bien mes frères, quand on essuie les larmes larmes des vierges folles, nous sommes au palais, nous sommes dans le palais avec le roi, en train de nous réjouir. C'est la victoire que l'agneau, le lion de la tribu de Juda, nous a acquis par son sang. Oui, bien aimé frère, nous serons en os en train de célébrer cela. C'est vrai bien aimé frère. C'est pourquoi les vierges folles seront avec nous dans les millions. Ils ne vont pas adhérer au conseil mondial des églises. Non, bien aimé frère et soeur. C'est pourquoi nous voulons nous l'épouse. Nous, les élus, comme Daniel, nous voulons pas passer par la tribulation. Ce message que Dieu nous a envoyé, c'est pour nous épargner de la tribulation, de la persécution et de la mort. Nous mourons maintenant en Christ. Frères et frères, nous mourons déjà en Christ aujourd'hui. Dans lequel moule, il n'y a pas de soucis, mangaiko, dans ce corps-là, moule, il y a la paix, salama, la joie éternelle, pas les soucis, mangaiko, même les choses de cette vie que nous avons expérimentées d'une manière malheureuse, bitu ne remontera plus même dans notre cœur. La joie que nous aurons en voyant notre Seigneur qui nous a délivrés par son sang de Golgotha, qui nous a rachetés, va nous faire oublier toute notre souffrance. Duku, il y a de bonnes choses qui nous attendent. N'hypothéquez pas votre âme avec les choses éphémères du monde. Il y a de belles choses qui nous attendent. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Ils étaient là dans la fournaise. Mais Dieu est descendu. Il les a délivrés. Et pendant ce temps, wakati, Daniel lui s'est reposé. Daniel hier, pumzika, vous voyez, munaona. Il s'est reposé où? Alikuwa pumzika wapi? Dans le palais. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. C'est pourquoi Dio kwa mana, gardons la foi tuchunge imani, dans notre Dieu. Dani ya Mungu wetu. Ne faites jamais de compromis. Pourquoi que ce soit. C'est pourquoi dans cette génération, dans l'état de la Odyssée, à la fin de cet âge, après l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ dans la gloire, il y aura une alliance qui sera conclue entre Vatican, Israël, OLP, c'est-à-dire Organisation de la Libération, de la Palestine. Voyez. Bonaon. Et les États arabes, les États arabes voisins, quand cette alliance-là se fera, je vais y revenir. C'est alors que commencera le ministère de deux prophètes d'Apocalypse 12. D'Apocalypse 11. Et ces deux prophètes d'Apocalypse 11 ont pour mission d'appeler les 144 000. Vous voyez, c'est leur mission. Nous allons tout expliquer. Tout a facilité. Et ces choses se passeront à l'absence de l'épouse. Quand les vierges folles sont tuées, l'épouse ne sera pas sur la terre. Quand les 144 000 sont appelés par les deux prophètes, l'épouse ne sera pas sur la terre. Lorsqu'il y aura alliance entre Vatican, Israël, OLP, na OLP, les États arabes voisins. Ile mainchi jirani ya arabu. Voyez, ile nazunguka Israeli. À cette époque-là, mwile wakati, l'épouse ne sera pas sur la terre. Bibi anusi hasta kuya pa dunia pana. Mais j'aime attirer votre attention. Ninapenda musopoke mwangalishe. Aujourd'hui, parce que nous allons en parler encore. Fika na leo juu tutaisemezea baadaye na upana. Nous allons parler effectivement de la 70e semaine de Daniel. Wakati tutasema hakika yulu ya aujourd'hui, frère, nous voyons naona le terrain kiwanza qui est en train d'être arrangé. Vous savez que Vatican a déjà signé Vatican un traité avec Israël. Na Israeli, ils ont conclu Manesha Sigilizana un traité avec Israël. Ce traité-là ne concerne pas ce qui se fera après l'épouse. Nous allons lire les Écritures. Vous voyez, ce sont des relations normales qui existent entre État et État. Les États s'échangent des ambassadeurs. Les ambassadeurs de l'État de Vatican, on les appelle les nonces. Banabaita banonce. Un nonce, nonce est un ambassadeur ni balozi. Wabalozi, Wabalozi, un ambassadeur ni balozi de l'État indépendant de Vatican. Wa inchi ile ya uru ya Vatican. Et quand Vatican signe wakati un traité Vatican avec un autre pays, anasikilizana na inchi fulani, ça c'est un traité normal ile ni masikilizana qui kawaida se passe dans tous les pays, dans le monde entier, entre deux États. C'est ainsi que dans les années passées, nous vous donnerons toutes les dates. Vatican et Israël ont signé ce traité-là parce que Vatican a reconnu Israël comme un État. Mais vous devez comprendre que le chemin est en train d'être préparé pour qu'il y ait négociation entre Israël et tous les pays arabes et les Palestiniens. Il faut qu'il y ait un terrain qui est une base sur laquelle ils vont commencer la négociation. C'est ainsi que Satan, qui connaît déjà ses plans, comment il va le faire, il commence d'abord par Vatican, harmoniser le terrain pour qu'il soit dans la position d'un négociateur. Comme la Bible, il y a une écriture que nous avons lue, mais vous n'avez pas encore prêté attention à cela. Quand j'avais dit, j'ai parlé sur les alliances, il fera des alliances avec plusieurs pour une semaine. Pour que ces alliances-là soient là, il faut qu'il y ait un négociateur, il y ait un en qui les deux parties, les deux blocs font confiance. Vous voyez, et il faut que Israël fasse confiance à Vatican, au pape. Et il faut aussi que les Arabes fassent confiance au pape. Maintenant, il sera là. Alors pour mener les négociations en vue de l'alliance qui va se faire après l'enlèvement de l'épouse. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. C'est pourquoi le décor se place ou est déjà placé. Mambo yote kuna tengenezwa, yote iko tayari. Vous le verrez. Ikiwa, nous allons vous donner des dates. Nous allons vous donner ce qui se passe. Tutamionyesha yote ile tafanyika. Vous voyez. C'est quoi? Que ça soit. Ikiwa du côté des dénominations, les communautés chrétiennes qui doivent entrer dans le conseil œcuménique, le terrain aussi, le terrain est arrangé. Tout se prépare. Parce que dans le conseil mondial des églises, l'église catholique est là comme un membre observateur. Vous voyez, quand les pentecôtistes ou les protestants en général font leur réunion pour la paix, pour qu'il n'y ait pas de guerre entre les communautés, voyez, pour défendre leur propre foi, dans les réunions des protestants, on invite les catholiques pour venir y assister, pour dire que nous n'avons pas de problème avec vous. Toi tu es notre mère, nous nous sommes tes fils, tu peux venir écouter nos plans, nous ne sommes pas contre vous. Moi bien mes frères, et tout se prépare. Moi bien mes frères, quand je vous parle ici, des bureaux existent. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà montré cela en image. C'est pourquoi Branham a toujours dit, si vous ne voyez pas quelque chose dans l'Ancien Testament, vous voyez seulement une doctrine qui apparaît dans le Nouveau Testament. Cette doctrine-là, elle est fausse. Vous voyez, pour qu'une doctrine soit vraie, juste, elle doit avoir des types dans l'Ancien Testament. Dieu doit montrer cela en image. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant vous le comprendrez encore plus clairement que ici le chapitre 3 de Daniel, il parle de l'activité qui se passera après sur la terre, après l'enlèvement de l'épouse. Ça parle des activités qui se passera entre les Juifs et les Arabes. Ce qui va se passer entre les communautés et c'est l'œuvre du diable. Parce que l'œuvre du diable est révélée ici. La colère du diable est révélée ici. Quand Nebuchadnezzar se met en colère contre Shadrach, Meshach et Abednego, vous voyez, la colère de Nebuchadnezzar révèle la colère de la bête. Si le véritable croyant, quand on le jette dans la fournaise d'Adam, la fournaise d'Adam, elle représente la mort, les martyrs que vont subir les vierges folles. Vous voyez, quand maintenant le roi Nebuchadnezzar, il vient, il regarde la fournaise, il voit le fils de l'homme, il sort, il y sort les trois compagnons de Daniel, c'est un type de vierges folles qui sortiront de la mort après leur martyr, qui seront revêtus de robes blanches pour entrer maintenant dans le millénaire. C'est pas quand vous regardez là en bas, au verset 30, la Bible dit, après cela, les rois qui prospéraient, Shadrach, Meshach et Abednego. Après qu'ils soient morts et qu'ils soient ressuscités, ils ont prospéré. Les vieux morts seront tués, ils seront ressuscités, ils vont prospérer dans le millénaire. Nous allons continuer. Tout à est-ce que c'est bien? Et tu, Biko Mizuri? C'est de très attentivement. Il y a de bonnes choses. Ça, ce sont vos choses à vous. Ça vous appartient. Ça appartient à vous. Voilà les choses qu'on fait. La différence entre les dénominations et nous. Les théologiens ne peuvent pas comprendre ces choses. Vous voyez, vous êtes plus que le pape de Rome. Parce que vous comprenez les choses que Dieu a préparées. Mais cela, quand nous comprenons toutes ces choses que Dieu a cachées dans les pages de la Bible, ça nous aide à nous préparer sérieusement. À éviter les erreurs. Ne faisons pas d'erreurs. Comme si nous étions dans les ténèbres. Nous sommes éclairés par la parole prophétique. Alors soyez sérieux avec le Seigneur. Levons-nous pour la prière. Prions-nous tous ensemble. Père Céleste.